travers Vegas. Je fais du golf juste pour le style. Dans tous les magasins, je quitte même pas le price. C'est des cons, ils débattent, je suis même pas à mon prime. Ils ont mis mon bénéfice sous scellé. C'est l'heure, faut pas marceler. J'ai perdu du temps, beaucoup trop de temps. On contrôle même plus, y'a ma pipe à la télé. On peut plus retourner à sec, sec. Depuis petit peu, j'ai tenu le sac, tu sais. À force de me donner ton cœur, tu saignes, je sais. Tu peux pas nier, je sais. J'suis à deux doigts de la cour d'assises. Ça glisse, faut que je quitte la street. J'suis dans le périph' bouché, j'peux pas m'insérer. Je résistive après les tentatives, c'est automatique. On va pas nous parler de chance. J'suis en train de mettre ce weed every day. J'ai distribué les conséquences. J'ai charbonné solo par le mec. On va pas me parler de chance. J'ai tout fait solo, j'ai pas crié, mec. J'ai même rasé sur les champs. Avec mes bandits dans un club magique. On va pas nous parler de chance. Il est craqué, plaquette, j'en ai pas besoin, gros, c'est pas grave. J'encaisse, y'a des plans sous, j'ai mon pare-balles. La peine, j'en foutrai de vie, n'est plus instable dans le play. J'ai des potos dans le vol, dans le scam. Mauvais tempérament comme Sky. Faut j'y popper la mort en ce qui me concerne. La revoilà, ouais, les démons sortis. Quand il se fait tard, juste pour son pétard, j'ai failli tout gâcher. J'ai passé mon enfance à débat, avant qu'il débarque, j'ai déjà tout caché. Moi, je voulais la vie de 16 ans, les condas 6 heures, ils sont venus tout casser. Mais comme j'ai mentalité 16 ans, même devant l'officier, moi, j'ai rien voulu lâcher. On va pas me parler de chance. J'en peux mettre ce weed every day. J'ai distribué les conséquences. J'ai charbonné solo par le mille. On va pas me parler de chance. J'ai tout fait solo, j'ai pas crié, mais j'ai même rasé sur les chiens. Avec mes bandits dans un club magique. On va pas me parler de chance. J'en peux les conséquences. Boum, boum, boum. Va pas me parler de chance. Sur les champs.